les chaussettes de bébé. Ces citrognons, ça me fait craquer. Les chaussettes de bébé, c'est si mignon sur les bébés. Les chaussettes de bébé, la paix dans le monde à elle toute seule. Les chaussettes de bébé, et je me sens un peu moins seul. Les chaussettes de bébé, c'est peut-être ça la joie de vivre. Les chaussettes de bébé, ce qui m'empêche de me foutre ivre. Les chaussettes de bébé, c'est la sensibilité d'un homme. Les chaussettes de bébé, d'un homme comme moi, ou tout comme. Les chaussettes de bébé, c'est citrognon, ça me fait craquer. Les chaussettes de bébé, c'est si mignon sur les bébés. Les chaussettes de bébé, la paix dans le monde à elle toute seule. Les chaussettes de bébé, et je me sens moins seul.